Keep it up. film qui tourne à l'envers. Listen to me! Listen to me! Listen to me! Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Oye, buddy. Nada más quiero decirte que no se debe hacer eso. It's not nice. ¿Entiendes? Mírame a mí cuando te hable. Este es mi número. Y si tú me fastidias más, te voy a dar una gaznata que te va a dar bobo. Cool it. Sun lights up the morning, moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me. bear, you give me fever. Or when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night. Sun lights up the daylight, moon lights up the night. Treat me right, you give me fever. Alright. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night. Romeo loved Juliet. Juliet said she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Fever, all right. When you kiss me, fever with that flame in you. Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for you. They give you fever, all right. They give you fever, fever, fever in the morning, fever in the evening, fever in the morning, fever when you hold it, fever when you kiss it. We'll be right back. ich dich lieb. Niemand weiß, wie's um mich steht. Wenn du kommst, beginnt das Fieber, woran mein Herz schon fast zugrunde geht. Ich habe Fieber. Nichts als Fieber, wenn du zu mir zärtlich bist. Fieber ohne Ende, wenn du mich einmal küsst. Andere leben jede Stunde, andere leben Tag und Nacht. Ich lebe nur, wenn du bei mir bist, wenn es mich auch nicht immer glücklich macht. Ich habe Fieber. Nichts als Fieber, wenn du zu mir zärtlich bist. Fieber ohne Ende, wenn du mich einmal küsst. Alle Leute haben Fieber, die verliebt sind, so wie wir. Dieses Fieber gab's schon immer, Medizin gab's nie dafür. Romeo, der liebte Julia, Julia liebte Romeo. Wenn sich ihre Lippen fanden, dann ging es diesen beiden ebenso. Sie hatten Fieber. Dieses Fieber, das die Herzen fast verbrennt. Fieber ohne Ende, wie es nur Liebe kennt. Ja, wer liebt, wird immer leiden, wird vom Fieber nicht verschont. Doch ich weiß nicht, ob die Liebe sich ohne dieses Leiden wirklich lohnt. Ich habe Fieber. Nichts als Fieber, wenn du zu mir zärtlich bist. Fieber ohne Ende, wenn du mich einmal küsst. Wenn du mich einmal küsst. Je ne pourrais te dire tous les faits que tu me fais. Dès que tu me donnes tes lèvres, mon sang me mord et tout se met à tourner. 39 de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Il peut tomber des tonnes de neige, pas besoin de feu de bois. Dès que tu viens dans ma chambre, presque aussitôt je sens changer le climat. 39 fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Lancelot Colugue Nièvre, qui reçut un drôle de choc quand il lui dit d'un ton mièvre, dans le jargon que l'on causait à l'époque. 39 de fièvre, je le jure, Héros m'a percé de son dard. Et sous mon armure, je suis en train de cuire comme un homard. Napoléon voit Joséphine, il en reste tout gâteux. En cherchant son thermomètre, il chante en Corse, j'aime tes grands cieux. 39 de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39, ouh, et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Et la morale, c'est que les filles, centigrades ouvrées au mur, c'est fait pour donner la fièvre, et peu importe l'instrument de mesure. 39 de fièvre, ça pétille et ça continue à monter. 40, ça grésille, ah, quelle jolie façon de brûler. quelle jolie façon de brûler. Oh, quelle jolie façon de brûler. Started long ago. Everybody.